Les passagers à destination sont priés de se présenter, porte B. Ladies and gentlemen. Are you ready? Let's go! Are you ready? Chaque dimanche soir, il est là, DJ Case, en pleine forme. Comment ça va, Case? Bah, ça va, on s'est vu toute la semaine. Donc, c'était une belle semaine dans Planète Rap. Très, très belle semaine. Vraiment, si on pouvait faire ça tous les jours, rien à dire. Vraiment. Merci à toi, ceux qui sont passés durant cette semaine. Il n'y a que hier, on ne s'est pas vu. C'est vrai. Voilà, j'ai appris que c'était ton anniversaire, donc joyeux anniversaire, Fred. Hein, merci. Pour tes 28 ans. Voilà, mais et demi. 28 ans et demi. Et écoute, oui, c'est pour ça que je vais plutôt te laisser faire, parce qu'il faut que je me repose un peu, que je mets-moi un peu de son. Tu vas nous mettre bien. Fabien, il va nous mettre Fabien. Ambiance lounge, c'est possible, ambiance lounge. Oui, lounge, tu vois, on va faire une petite musique d'Happy Birthday. Après la guerre nucléaire d'hier soir. Ah ouais. Un peu de repos fait du bien. Un peu de séquelles de hier. Oh bah, je suis marqué pendant jusqu'à l'an prochain. Bon, en tout cas, moi Fred, je t'écoute depuis maintenant, ça fait des années, et ça fait plaisir de te fêter ton anniversaire cette année. Et bah merci, ouais, c'est vrai, merci à toi, Kay, c'est aussi un plaisir partagé de t'avoir tous les dimanches soir. Merci. Pour Rise Supreme, et d'ailleurs, je crois qu'il est grand temps maintenant de donner le coup d'envoi. On va déchirer ça tout de suite. Ouais. C'est parti, coup d'envoi. Ça dit rien, frère, toi. Bah, moi, je vais au Maroc, hein. Toi, tu vas où? Ah, ouais, moi, je vais en Algérie, en Kabylie, tu connais. Dimanche soir, minuit, une heure, c'est Rise Supreme en direct sur Skyrock. Viens, on va en Tunisie. Vas-y, lourd. Mais attends, là, il y a un deuxième problème. T'as de l'argent pour l'essence? Ah, ouais, mais c'est la haze, gros, j'ai 10 euros. Quoi? Va-t'en. Just talk. Algérien, j'ai le drapeau facile. Skyrock, High Supreme. Tropico à la main, carré sous les palmiers. Elle s'appelle Ind. Elle aime pas la funk, pourtant she got a thing. Mon but c'est les neutu, mais qu'est-ce que tu crois là? Je veux faire des neutu, en veux-tu, en voilà. J'suis dans la main. J'arrive dans le club, bitch, happy birthday. J'suis trop frais, j'ai pas le temps. Marrakech, laisse-moi mettre ambiance. J'ai quitté le sol français, je me lance. Appel sur la compile, on s'enflamme toutes les vacances. Oh non, tout le monde a pris ses congés. Belle gosse, à mes côtés j'ai foncé. Location dernier Cayenne, je prends la route vers Tanger. Je fais des stats dans la piscine pendant que toi t'es congelé. Zifou t'as validé, validé, validé. Dans le vide t'as paniqué, paniqué, paniqué. Écoute-moi, tu vas kiffer. Dans une ambiance de qualité. Comment vous dire que je vais bien? نايدا نمرو هنا الحلاوه الروبلا في المشينا ودعوه زيا زيا زيا زيا باغي مراكش ديبو ديتي افيك لي بوتو بوكوا سونبيتي جوني كي فيان با نو تيستي ابل تي كوبين اون فاي تسكيفي شولي شولي سي بارتي اولي اولي لي فيس سون جولي جولي سو سوار سي لا فولي فولي شولي شولي سي بارتي اولي اولي لي فيس سون جولي جولي سو سوار سي لا فولي فولي Suprême en direct sur Skyrock. Quoi qu'il arrive, on recule pas. Ils parlent sur moi, je les calcule pas. Souris-moi, ça me tue pas. Tu sors de Panama ou Calcutta. Tu sors de Marseille ou de Bombay. Y'en a marre de se faire la guerre. Combien de frères sont tombés? Ça m'en a marre, viens prendre un verre. Des fois, je m'isole, je suis dans un film. J'ai l'impression de jouer un rôle. J'ai fait tuer le gangster. Mais c'est bien loin de ce que je prends. On est dans le partage, on est fédérateur. C'est beaucoup mieux que de faire l'acteur. Y'a pas de critères de foi et de couleur. Rejoins-nous, quel que soit ton secteur. Tout le monde est naïf, mais ça gagne. Madame, monsieur, il faut avancer. Ma demoiselle, je ne me laisse pas aller là. Il faut avancer, pas les problèmes, ça t'a marché. Il faut avancer, Arwa, Arwa, ça t'est le mec. Il faut avancer. Yalla, yalla. Yeah. usine, j'arrive à bord. Du porte-avions de chasse, je sonne record. Trop vrai, trop hardcore. La calage va encore cribler tout le décor. J'ai du plomb dans le chargeur, ils en ont dans le corps. A chaque apparition, ils en redemandent encore. Ré-té-té-té-té-té, chicha, gros boule, grégouze à ma table. Avec DJ Gaze, en showcase sur n'importe quel beat, je suis imbattable. Pépéter la voix du DZ, pilon peu herbert de vodka. C'est pour Mirk Bailey et mes chers Winnes Wahran jusqu'à Casablanca. La fin du ramadan, je me barre au bled. 6.3 Sheraton Hotel. Bordel, toute ma horde est hors d'elle. C'est le mariage du cousin, usiné dans le cortège. Bord de mer, créature de rêve. Allongé sur le sable, couché de soleil. Sa mère, soir, j'ai pas sommeil. Mais une folle envie de cramer tout mon oseille. On sait, ça y est, tu planes. J'suis pas de la petite bourgeoisie. Moi, j'kiffe pas trop le champagne. C'est pour mes rêves qui sortent du bagne. De Bruxelles, Metz, Orléans, Lyon, Marseille, jusqu'en Espagne. سهرات علالية واي واي بقويني نغني بالعربية واي واي واي معاك وسهرات علالية يا مصير دي جيانا في اتنزان كوبا لا ريانا تاقيت طمو دي بلوك عم بيجاما يلا كنت الغيزة وياما DJ Kate. Descends d'avoir fumé un choker. Smoke là, c'est Jones. Si t'es pas content, fuck. On se moquait d'elle, c'est devenu un choker. Tu l'as carotté, je crois sur tes morts. Ça t'énerve, on prend tes marques, sont des morts. Dédicace, quartier sud, quartier nord. Tu veux me connaître, je suis le ying et le yang. Mais fais le moonwalk, tu veux pas que ça fasse bang. Skyrock, High Supreme. C'est DJ Kate, DJ Kate. Shafiq, ya Rabbi, ya Bint bin Adi, ya Kitab, ya Mani, ya Ghali, ya Aliyah. Case. On se retrouve tous les dimanches soirs, minuit 1h avec Fred pour 1 heure de mix de folie. Supreme. soir, DJ Case te mixe tous les sons de Rail Suprême en direct sur Skyrock. J'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi. Dimanche soir, DJ Case te mixe tous les sons de Rail Suprême en direct sur Skyrock. Les bruits qui aiment au bout de mieux. Marie, Aïcha, si tu m'aimes. Dimanche soir, minuit, une heure, c'est Rail Suprême, en direct sur Skyrock.

Rail Suprême en direct sur Skyrock. Rail Suprême le dimanche soir, déjà une demi-heure, ouais. Un peu plus d'une demi-heure écoulée dans l'émission. C'est la fête, c'est la fête. Le dimanche soir là-bas, c'est Rail Suprême tous les dimanches soirs. Et bah, ça continue, là, bah, oui. Ça continue dans un instant. Case, on rappelle aussi que, évidemment, actuellement, comme c'est le ramadan, il n'y a pas de soirée. Non, il n'y a pas de soirée. Mais il y en aura prochainement. Voilà, les dates, on va les déclarer la semaine prochaine, je pense. Mmh. Mais ça va être un petit peu long. Mais on va déclarer tout ça. Et on peut encore le rappeler que l'album est dans les bacs. Ouais, Paris ou New York. Voilà, on l'a fait découvrir toute cette semaine. Et je remercie tous ceux qui l'ont pris sur iTunes, dans les bacs. Et voilà, on est immortel. Et bah, peut-être qu'on va repartir aussi avec des extraits maintenant. Bah, bien sûr. Allez, c'est parti sur Skyrock. Les passagers à destination sont priés de se présenter, porte B. Ladies and gentlemen, bonsoir, c'est Rail Suprême en direct sur Skyrock. Are you ready? Let's go! Are you ready? Excusez, je fais un bêtise. Un HLK, j'ai pris un cheese. Et ce soir, on va s'asseoir. C'est DJ Kaiser Mystérieux. De Paris au Roller Q. De Marrakech à Bollywood. Casa Negra, voisine de où. Ça me l'a raconté, ils savent tous que je suis coté. Dieu seul sait ce que j'ai de côté. Big up à tous mes frères, toujours en train de traficoter. Le comble pour un blindé, c'est de pas savoir sur qui compter. Je suis au coloc avec moi-même, non dans ma tête, je sais pas ce qui se passe. J'ai bu trois verres, je suis faillage toute la terre. Je rejoins l'espace, c'est qu'un boy quand je lève mon majeur. Je prends un selfie, je leur dédicace. Mon star, c'est je suis sur la piste. Le platine, c'est DJ Kaist. Sur un ami avec Natacha. Ce qu'elle kiffe, c'est les chichons. Avec Aïcha Andisha.

Suprême, Rai Suprême, avec DJ K sur Skyrock. Clear. dans les sons de Rail Suprême, en direct sur Skyrock. الهي يا ملح جل في جبل العيش، الهي يا ملح ما نربيها ولا بشر كيف ما تخيب.